Fin du monde. Troisième guerre mondiale. Terrorisme. Retour du Christ. Destruction complète des gouvernements et des religions. Anarchie générale. Explosion. Apocalypse. Djihad. Résurrection des personnages bibliques. Armageddon. Attentat. Météorite. Cataclysme, bombe, fléau, trou noir, guerre civile, virus, annihilation, modification climatique, invasion extraterrestre, boule de feu explosant la Terre, bombe atomique, bug de l'an 2000, destruction du monde par Satan, cataclysme nucléaire, catastrophe écologique, épidémie mondiale, nanotechnologie, choc avec une autre planète, apocalypse nucléaire, bombardement, tremblement de terre, changement climatique, fonte des glaciers submergeant les continents, effondrement de l'écosystème, extinction des espèces, décimation des abeilles, appauvrissement des terres, fin des temps, effet de serre, stérilité, guerre nucléaire, jugement dernier, sécheresse, peste, tsunami, catastrophe naturelle, fin spirituelle du monde, astéroïdes géants percutant la Terre, guerre avec des extraterrestres, chute du système mondial, pandémie, impact avec un météorite, prise de pouvoir par une intelligence artificielle, armes biotechnologiques, empoisonnement de l'eau, tempête solaire, armes de destruction massive, inondation, épuisement des ressources, surpopulation, intoxication, affrontement des continents, réchauffement climatique, basculement des pôles, éruption volcanique, explosion du soleil, extinction du soleil, fin de la gravitation, explosion d'une supernova, la Terre tombe dans le soleil, la Lune tombe sur la Terre, fin de la couche d'ozone, diminution de la photosynthèse, effondrement de la production alimentaire, pluies acides, supervolcans, déluge, collision cosmique, crash démographique, jour du jugement, émission de gaz mortel dû au déplacement du pôle sud de l'axe de la Terre, refroidissement du noyau terrestre, disparition de l'atmosphère par fuite vers l'espace, inversion du champ magnétique terrestre, extraterrestre détruisant la Terre à coups de laser, passage dans la quatrième dimension, dû à l'inversion du courant de l'énergie, les morts reviennent à la vie, les plantes se retournent contre les humains, une armée de démons surgissent des entrailles de la Terre, fin du monde. Les spectateurs sortent du cinéma. Les spectateurs sortent du cinéma et tout le monde meurt. Les spectateurs sortent du cinéma, puis il y a un tremblement de terre et tout le monde meurt. Les spectateurs sortent du cinéma, puis il y a un tremblement de terre, et John saute par-dessus une faille qui s'ouvre au milieu d'une grande avenue pour sauver Sally, et tout le monde meurt. Les spectateurs sortent du cinéma, puis il y a un tremblement de terre dû au réchauffement climatique, et John saute par-dessus une faille qui s'ouvre au milieu d'une grande avenue pour sauver Sally, et tout le monde meurt. Les spectateurs sortent du cinéma, puis il y a un tremblement de terre dû au réchauffement climatique, et John saute par-dessus une faille qui s'ouvre au milieu d'une grande avenue pour sauver Sally, il fonce vers l'aéroport, et tout le monde meurt.

cela? Comment cela a-t-il pu arriver? Qu'allons-nous faire maintenant? Y a-t-il un espoir pour l'humanité? Nous devons continuer à avancer. Coûte que coûte. Nous devons trouver un abri. Il n'y a aucun abri. Vite, montez dans l'avion. Nous n'avons plus de temps. C'était quoi une... Où allons-nous maintenant? J'ai entendu parler d'un endroit à l'abri de radiation. Oh, et maintenant quoi? Dans la droite, non, attention. Je ne peux pas l'abandonner. Nous n'avons pas le choix. Nous avons toujours le choix. Et Harry? Oh, il est mort. Mais il a donné sa vie pour que nous continuions. Faisons en sorte que ça compte. Courez! Courez! Pas ici. C'est incroyable! Comment ça se fait que nous n'en avons jamais entendu parler? Halt! Qui va là? Quoi? Suivez-moi! Avez-vous ce qu'il faut pour survivre? Rien ne peut nous arrêter, même pas vous et votre armée! Vous n'avez aucune chance face à mes super canons laser! C'en est fini de son règne de terreur. Attention, tout va nous tomber sur la tête. Oh, ça n'est pas passé loin. Saute. Oh, laisse-moi. Sauve-toi d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Je ne partirai pas sans toi. Accroche-toi. Nous l'avons fait. Nous sommes toujours vivants. Je n'ai jamais osé te le dire, mais en fait, je t'aime. Qu'adviendra-t-il de l'humanité? Eh bien, il faudra tout reconstruire et ça prendra du temps. Mais à la fin, nous y arriverons et nous retrouverons notre style de vie consumériste et innocent. L'art contemporain. L'art contemporain est à l'art ce que le ballet est à la danse. L'art contemporain est au ballet ce que l'art est à la danse. L'art contemporain est à la danse ce que le ballet est à l'art. L'art contemporain est à l'art ce que l'opéra est à la musique. L'art contemporain est à l'opéra ce que la danse est au ballet. L'art est à l'art contemporain ce que l'opéra est au ballet. L'opéra est à l'art ce que la musique est à l'art contemporain. La musique est à l'art contemporain ce que la danse est à l'opéra. Le ballet est à l'opéra ce que la danse est à la danse. La peinture est à l'art ce que la musique.

tout au fond de toi. Tu le sens, mon spectacle, tout au fond de toi, dans ta tête. Eh, mon spectacle, tout au fond, dans ta tête. Eh, tu le sens? Tu me sens tout au fond de toi. Eh, tu me sens dans ta tête. Mon spectacle dans ta tête. Eh, ma distance dans ta tête. Tu la sens, ma distance dans ta tête. Eh, toi? Le sans rêve. Et toi, le sans enfant. Et moi, le sans conscience. Et moi, oui, toi, le sans rêve. Et toi, le carriériste. Et moi, l'égoïste. Tu vas me laisser rêver. Et moi, le sans rêve. Tu vas me laisser rêver. Tu vas me laisser rêver, oui. Et toi, tu vas me laisser de l'espace. Eh, tu vas me laisser respirer. Eh, tu vas laisser quelque chose. Et toi, tu vas laisser quelque chose après toi. Tu vas arrêter de produire. Eh, tu vas arrêter de produire. Tu vas arrêter de nous recouvrir de ta production. Hein? Tu vas arrêter ton incessante production. Et toi? Eh. Thank you.